cœur, tellement de blessures de père en fils. J'en connaîtrais que le tiers, douleur sous la lavalière, fait crispe. De ta chair, t'as fait ma chair, de ma chair, j'ai fait ta chair, mon fils. J'ai peur de foutre la merde, de plus contrôler mes nerfs, je risque. God bless, hamdoulah, merci au nom du père du fils. Le négro est riche et populaire, en plus il a pris rendez-vous au fisc. Non, jamais je pleure, je cache mes peines, au fond, je suis triste. Durer la vie dans le game, maman, je fume et je cède au vice. Je suis plus entièrement le même, je crache ma haine tout le temps. Négro fiche à la ramène, en mauvaise haleine, doucement. Grand-mère est partie, non, sans que je l'ai vu. Je suis chagriné, je me rends compte que ma présence valait bien plus que mes billets. Médecin dit c'est la fin, je le traite de fils de putain, je m'affole. Putain, je sais plus trop quoi faire, je t'imagine si pieds sous terre, je frissonne. Papa dit ça va aller, mais ses larmes ont déjà coulé aux urgences. Je te dis à demain, mais bon, dans ton regard, il n'y a plus de résistance. Maman, I love you. Pourquoi ce négro m'en veut? Non, non. Quand je rate, il dit que c'est moi. Quand je réussis, il dit que c'est Dieu. Oui. Un million, deux, trois. J'aimerais te revoir comme autrefois. Sur le trottoir. Neuf, espérons que ce n'est pas trop tard. Pourquoi tu pleures? Non. Pourquoi tu pleures? Non, non, non. T'inquiète pas pour nous. J'ai de la moula jusqu'à chez toi. Moi, à l'hôpital, j'ai vu des amis, t'en avais deux. Maman, c'est chaud, tu t'oublies trop pour fils de pute qui ne pense qu'à eux. Le cœur adamantin, travaille à temps plein de toi, c'est ce que je retiens. Souffre-te rempli de haine, journaliste dans le jeu, que dans la complainte pour que ces gens. Oui, j'ai la haine, ton enterrement, faut pas qu'ils viennent. Allô, fiston, c'est Tantine, on se connaît d'Adam, mais plus d'elle. Vilain changé, devenu connu, c'était une grande chambre, pas une commune. Je vous ai pas vu, non, non, non. Pourtant, tout le monde avait sonné. Maintenant, ça crie, Dieu soit loué, allez tous vous faire enculer. Je te dis à demain aux urgences, mais dans ton regard, il n'y a plus de résistance. Maman, I love you, love, love. Maman, I love you, love, love.